A. Je m'appelle Céline. J'ai 20 ans. J'habite à Montréal, au Québec. J'aime le cinéma, le ski et la musique électronique. Je parle le français et l'anglais. B. Je suis Karim. J'habite à Casablanca, au Maroc. J'ai 23 ans. J'aime les voyages, les séries télé et les musiques de mon pays. Je parle trois langues, l'arabe, le français et l'espagnol. C. Bonjour, moi c'est Léo. J'habite à Genève, en Suisse. J'ai 26 ans. Je parle le français, l'italien et l'allemand. J'aime le sport. D. Salut, c'est Noémie. J'ai 25 ans. Je vis à Bruxelles. Oui, je suis belge. Je parle le français et le flamand. J'aime la musique, le tennis et les voyages.